Ça va tout à fond. Le rock, c'est tout à fond. Rock and roll. Oh my god, I feel so wow. On the road. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans On The Rocks avec un casque qui ne fonctionne pas bien, mais j'espère que vous allez bien entendre ma voix ce soir et que surtout vous allez bien entendre la musique que je vais vous passer, car il ne va pas y avoir 10 morceaux, 20 morceaux, 23 morceaux, non mais bien 24 morceaux ce soir dans On The Rocks avec pas mal de nouveautés parmi ces morceaux. Vous êtes vraiment des petites vénardes et des petits vénards. On va commencer ce soir dans The Rocks avec une nouveauté, ça s'appelle Bleachers. Ce sont des joyeux garnements qui nous viennent des États-Unis et plus particulièrement de la banlieue de New York et plus particulièrement du New Jersey. C'est le groupe de Jack Antonoff, il s'appelle Bleachers. Ils reviennent avec un morceau qui s'appelle Modern Girl. Voilà, c'est simple, de l'énergie, un saxophone un peu famélique, hein, il faut le dire. Mais l'énergie et l'envie du bonheur des auditeurs l'emportent surtout. Donc ça va être le coup de cœur ce soir et ça va être le morceau qui va entamer cette émission d'On The Rocks que vous pouvez retrouver sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, sur Studio Zef en rediffusion, merci aux Blaisois, et puis sur le site onthrocks.net, 96.2 bien sûr c'est en direct, et sur le site onthrocks.net quand vous voulez en podcast ou en réécoute. Voici donc les Bleachers avec Modern Girl et ça commence ce soir comme ça. Train. positive charge. Plug it into my veins. Make me love this life again. I need a spark. I need a positive charge. Plug it into my brain. Make me love my life again. I wanna. Ce soir, pour commencer l'émission dans The Rock, je vous ai emmené sur la Jersey Side avec d'abord les Bleachers et Modern Girl. Et puis à l'instant, ce groupe de jeunes tatoués énervés, mais absolument mélodiques, dans la lignée de qui vous savez, avec leur morceau qui s'appelle Positive Charge, tiré de leur dernier EP. C'est le troisième morceau du EP, c'est pas le titre phare de ce EP, mais moi c'est celui que je préfère. C'était The Gaslight Anthem, évidemment. Et puis, quand on parle des Bleachers, quand on parle de Gaslight Anthem, eh bien, il y en a un qui a collaboré avec ces deux groupes là, et celui-là, eh ben, c'est tout simplement le patron. Oh, notre gros coup de cœur de l'émission ce soir, c'est ce Flat Party, c'est-à-dire le groupe qui réunit Jack Lauter et Rory O'Rourke à la guitare. Ils sont londoniens. Ils viennent de sortir ce I'm Bored, Give Me Love, et voilà, c'est un morceau absolument réjouissant. Ça m'a fait un peu le même effet que lorsque j'ai écouté L.A. Salami la première fois. Voilà, c'est très très bon ce I'm Bored, Give Me Love. Je vais aller creuser un petit peu, voir si le reste est aussi bon. Et puis juste avant, évidemment, c'était Bruce Springsteen avec Where the Bands Are, un morceau qu'il avait écarté parmi les dizaines et dizaines d'autres à l'époque et qu'il avait remis sur le coffret Trax il y a une bonne vingtaine, peut-être trentaine d'années maintenant, avec que des inédits dessus. Et bien Trax numéro 2 devrait pointer son nez dans les mois à venir. Et puisqu'on parlait de guitariste, oui, à peine. Bon, bref, puisqu'on parlait de guitariste, en voilà un qui a été le guitariste d'un des plus grands groupes de rock anglais du monde, de la galaxie. Et il revient en solo. Il s'appelle Johnny Marr. C'était le guitariste la vache, des Smiths. Et donc il revient avec un morceau solo qui est vraiment vraiment fréquentable. Ça s'appelle Somewhere, et lui au moins n'a pas l'air d'avoir le cerveau cramé dans le grille-pain comme le chanteur des Smiths lui-même, que je ne nommerai pas. Making up my own mind. L'émission The Rocks qui fête cette année ses 31 saisons a commencé en pleine période grunge, 1992. Et en pleine période grunge est apparu un groupe 3 ans plus tard qui s'appelait Semisonic. En 1995, il venait de Minneapolis et non pas de Seattle comme tous les autres. Et il proposait une sorte de pop énergique assez réjouissante. J'avais beaucoup écouté ça à l'époque. Et bien 31 ans plus tard, voici, en tout cas 30 ans plus tard, voici donc un extrait du dernier album des Semisonic qui reviennent. Ça s'appelle Out of the Dirt et ça tient vraiment bien la rampe. Et juste avant, c'était Johnny Marr avec Somewhere. Je vous emmène maintenant au Royaume-Uni avec un groupe qui, lui, s'est formé en 2018. Ils viennent de Hull. Ils s'appellent The Avenues. Donc un groupe tout frais et un morceau encore plus frais puisqu'il date d'il y a quelques jours. Another Movie. C'est une nouveauté, c'est dans The Rocks. Et le début de l'émission, vous l'aurez remarqué, est un peu velu. Forget that anything is wrong. If I didn't know you, I'd be long gone. Just stay here with you until it's gone. Smoke one out the window, stick another movie on. For this brief moment, I forget that anything is wrong. If I didn't know you, I'd be long gone. Yeah. Friends of Mine. C'était une nouveauté encore dans The Rocks avec encore un groupe qui nous vient d'Angleterre, décidément. Ils sont très forts après Hull et The Avenues. Là, cette fois, c'était Reading. C'était Sundara Karma. Voilà, tout ça est bien, bien réjouissant. Et bah, ça fait du bien comme ça de commencer la semaine avec des petits morceaux qui vous font sautiller. Et bien, on va continuer. Maintenant, tout de suite, avec quelqu'un qui est né en 1997 sur l'île de Wight, et elle joue de la guitare depuis 14 ans. Elle fait ce qu'on appelle de la slacker pop. Alors, me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas moi-même. En tout cas, le morceau est bon et c'est une nouveauté. Elle s'appelle Lauren Hibbard et le morceau c'est Honda Civic dans The Rocks. A déjà diffusé dans The Rocks il y a quelques mois et quelques années plutôt de cela. Il s'appelle The Dolly Rods. C'est un couple américain qui ont créé ce groupe assez, on va dire, du punk sucré un petit peu. Le morceau qui vient de sortir s'appelle When We're Sober, ce qui ne doit pas leur arriver souvent. Et juste avant, c'était Lauren Hibbert avec Honda Civic. Alors bon, Lauren Hibbert, tout ça, les Dolly Rods, c'est sympa. C'est sympa. Mais ça vaut pas les groupes un petit cran au-dessus qui touchent au génie à chaque fois qu'ils sortent un album. C'est le cas de Big Thief. On se les a énormément passé. Ce groupe Big Thief dans The Rocks, eh ben, tant qu'il y aura de The Rocks, on se les passera. Big Thief Born for Loving You, ça suit le premier single qui était percutant cet été. Eh bien, c'est toujours cette voix extraordinaire d'Adrian Lenker et voilà, ils sortent un ou deux albums par an et on se demande où est-ce qu'ils puissent tout ça. Ça a l'air d'être un puits sans fond d'ingéniosité et de talent. Eh bien, voici le dernier single de Big Thief Born for Loving You. Doesn't matter what dreams come true. I was born for love. À l'instant, c'était encore une nouveauté, bien sucrée elle aussi, c'était Pouty, P-O-U-T-Y, Virgos Need More Love, c'est le projet de Rachel Gagliardi en solo, et puis juste avant, c'était Big Sif avec Born for Loving You. On va causer un peu des locomotives de Vendôme, puisque ça approche, il y a eu le festival Hop Hop Hop qui a ouvert la rentrée, et bien voici les rocos qui s'approchent à grands pas du 28 octobre au 4 novembre, beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, à Vendôme, bien sûr, avec Émilie Simon qui revient, ça a été une des premières interviews dans On The Rocks, un peu étonnant de la voir revenir, mais assez joyeux, et puis un autre groupe qui lui date de 1980, des Finlandais, qui avaient une petite éclipse après un joli succès. Il s'appelle 22 Pister Pico. Je vais y arriver. Pister, et ça m'a toujours posé problème. Alors, il faut le dire, ce groupe m'a toujours posé problème. 22 Pister Pico. En y allant doucement, ça va tout de suite mieux. C'est le nom d'une petite coccinelle. Eh bien, ils seront à l'affiche des locomotives de Vendôme. On va se passer un morceau qui s'appelle Snake Charmer, mais il y a plein d'autres gens. Émilie Simon, je le disais, Sao de Sagazan, les Puppet Mastaz. Ça, c'est pour Xav. S'il était là, peut-être qu'il reviendrait. Super Parquet. Enfin, plein de choses. Les cahiers de Nijinsky. Plein de choses. Mais en tout cas, voici donc les 22 Pisté Pirco, je ne sais pas pourquoi, mais je peine un peu sur ce nom de groupe. Eh bien, le voici, nous allons l'écouter tout de suite maintenant, ça fait ça. Please call me Snake Charmer. Please whisper my name. Fire at will, you should do it now. Please call me Snake Charmer. Please whisper my name. Fooling you, fame or fortune do. I make to see all this burning down the kiss. I make to see all this burning down the kiss. Please call me the charmer inside a king's head. Snakes for the doing ill. Please call me the charmer in the president's hand. Been around for a long, long time. Please call me Snake Charmer. Whisper my name. Please call me Snake Charmer. Please whisper my name. snake charmer, please whisper my name. Seront en concert lors des Rocomotives de Vendôme. C'était Tea Eater avec Jackie Nicholson. Alors, il n'était pas sur le morceau avec eux, c'est le nom du morceau, Jack Nicholson. Et juste avant, c'était les 22 avec Snake Charmer. Voici un artiste que vous avez pu voir peut-être en première partie de November Ultra lorsqu'elle est passée à l'Astrolabe et que vous avez peut-être vu aussi à Opopop jouer au musée au milieu d'œuvres d'art. Il s'appelle Chameleon avec un X, alors Xameleon. Il viendra très prochainement, probablement, dans les studios, pour coprogrammer, pour jouer de la musique, etc., etc. Ça me fait bien plaisir. On est en train de caler la date avec Agathe qui s'occupe de lui. J'étais un peu loin à la détente, mais l'important, c'est que ça arrive. Ever Be So Still. Il chante en français, il chante en anglais. Je préfère quand il chante en anglais. Voici un très beau morceau avec sa très belle voix et bientôt en direct, ici même, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, dans On The Rocks. Ça s'appelle Xameleon et c'est Ever Be So Still. Everything exploding from the sparrow above. There's no one around, still a shadow to love. In this raindrop falling down, is it rain or is it tears? Is it night or day? Is it madness or dream? Could it ever be so still? Is that pain in letting Genre voix du soir, bonsoir. C'était les Black Seed AU à l'instant. Si vous allez fouiner sur le site d'Anzorox, vous allez retrouver des morceaux de Black Seed AU et surtout une interview de Black Seed AU enregistrée au festival Hop Hop Hop en plein répit Covid, à l'époque où il y avait eu une petite possibilité de faire des concerts. Hop, Black Seed AU était venu en concert à Orléans et c'était un très très beau morceau au conservatoire, un très beau moment, pardon. Merci beaucoup à Mathieu de l'Astrolabe qu'on retrouvera la semaine prochaine. La semaine prochaine, émission spéciale Astro dans The Rocks avec la programmation à venir, une programmation bien alléchante. Not Man, Not Woman, c'était le dernier morceau des Black Seed AU. Juste avant, c'était Xamelion avec Ever Be So Still. Allez, je peux vous le dire, il sera probablement dans les studios, si je ne vous dis pas de bêtises, pardon. Ce sera, attention, roulement de tambour, probablement le lundi 6 novembre. Lundi 6 novembre, émission spéciale Xamelion en concert et en coprogrammation ici même dans les studios On The Rocks. Merci beaucoup à François Puech, vous savez, François de 16 Pack, mais aussi François de Lévy de François, qui m'a envoyé un petit message en disant ça c'est pour toi, tu devrais écouter. Et ben c'est vrai que l'album est bien beau. C'est une folk assez à la fois puissante et éthérée. Ça s'appelle Beau Jockey. Ils nous viennent de Londres et on va se passer le morceau qui s'appelle Magpie. Magpie, how did you join the choir? Did you lie and tell them you were clean. All these drugs you took in my apartment, you brought the bags for easy speak. And as he goes daylight rising, you stand straight, soaked through to the skin. Did you listen too close to the gambling man who says it's love if you're winning? Who says it's love if you're winning? Cause all my love is a spinning wheel, and it will be till the day I choose to die. As I push it up this steady hill, oh, you'll be disappointed. You weren't there when I tried. If you can withstand the fever, and it's okay as I look through the door and tell me straight, is powder the healer through those hard eyes? A stare so soft, all my love is a spinning wheel, and it will be till the day I choose to die. As I push it up this steady hill, oh, you'll be disappointed. You weren't there when I tried. 'Cause all my love is a spinning wheel. Dogs are built for sleeping in. I've been up since 4 a.m. At your worst, you're better than my better day. There ain't been no sun in L.A. since you moved out of Sarah's place. I love your mother's stories about you as a kid. I heard you scored a job in the East Village. Well, working for some folks who don't know your name. Well, ain't you gonna miss all of them wasted days? We sit around. Times. Those backyard lights don't shine as bright without your face. Out of Sarah's place. You called to talk just last week. I'm still falling apart like I'll always be. And your picnic chair is still sitting there in the yard. And I had to sell my old guitar. Don't come back, lover, and proud you're under the skyline. We always knew you were the better half of our good times. Those backyard lights don't shine as bright without your face. Sarah's place will always be a piece of my peace of mind. We drove that road we know at least a million times. I'm so damn tired of seeing that empty drive out of Sarah's place. Oh, come back, lover, I'm proud you're under the skyline. We always knew you were the better half of our good times. Those backyard lights don't shine as bright without your face. Out of Sarah's place. Tickets have gotten awfully expensive, but I got mine for the price of a Gibson. Alors chez nous, on le connaît vraiment pas très très bien, même vraiment pas très très bien du tout. Mais dans l'Oklahoma en particulier et aux États-Unis en général, Zach Bryan est une star de la country music. Il s'est associé à Noah Callan. Ils ont à peu près le même âge, la petite trentaine, non même pas la grosse vingtaine, pour nous pondre ce Sarah's Place qui est franchement réjouissant, je trouve, qui évite les écueils de toutes les caricatures country qu'on peut connaître parfois. Et puis juste avant, Beaujokai avec Mac. Pie. Voici encore une nouveauté, ça s'appelle Famous Blue Cable. Alors pareil, un groupe qu'on ne connaît pas bien, mais ils se sont accoquinés pour ce morceau avec une chanteuse que là, on connaît très très bien et que j'avais interviewée jadis et qui a toujours cette voix si particulière qui, j'espère, va vous ravir une nouvelle fois. Le morceau s'appelle Riverman et la chanteuse, celle qui chante là, maintenant, tout de suite, que vous allez entendre, eh bien c'est Faced. Betty came by on her way. Said she had a word to say about things today. And falling leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose. She believes. Going to see the river man. Going to tell him all I can about the plan. Though I like meant for me. Forcément, on cause avec Dudu au téléphone et on loupe la fin du morceau. C'était Adam Melchor, encore une nouveauté avec Garmin Bag. Il vient de Los Angeles et juste avant, c'était Famous Blue Cable. Riverman avec Face que vous aviez reconnu. Voilà quelqu'un qui revient et qui, ça, alors là, ça me fait vraiment plaisir. C'est quelqu'un qui avait décidé, il y a une bonne dizaine d'années, une bonne quinzaine d'années, de sortir un album par état des États-Unis. Donc, Illinois, Michigan. Il avait dit, allez, je vais faire le tour. Bon, il s'est arrêté à deux, je crois. Et puis ensuite, il avait sorti plein de disques de Noël plus réjouissants les uns que les autres, et puis il s'était dirigé vers la danse contemporaine, vers la musique un peu concrète, abstraite. Eh bien, il revient à ses premières amours, il revient à une musique plus folk, plus éthérée, c'était déjà le cas sur l'album précédent. Il s'appelle Susvan Stevens. C'est un peu l'objet d'un culte dans le milieu, il a jamais eu un gros succès populaire, mais en tout cas, ceux qui savent, savent, et peut-être que vous saurez d'à partir de ce soir. Voici donc le dernier morceau de Susvan Stevens, Will Anybody Ever Love Me? C'est dans The Rocks. River running to the west wind. cause I really wanna know, will anybody ever love me? For good reasons, without grievance, not for sport. Will anybody ever love me? And every season, pledge allegiance to burning heart. Hello, wildness, please forgive me now for the heartache and the misery I create. Take my suffering as I take my tell me to calm down. C'était Boy Genius à l'instant dans On The Rocks avec Letter to an Old Poet. Ces trois artistes, dont Julian Baker, qui se sont réunis pour créer ce trio qui a fait sensation à Rock en Seine. Il y a des morceaux très apaisés comme ça avec des harmonies vocales imparables et puis il y a des morceaux un peu plus rentre-dedans. Mais c'est vraiment toujours, toujours très bien. Et puis Sufjan Stevens avec Will Anybody Ever Love Me. Pas de l'arrêt d'arc du sport ce soir. Ça va se terminer avec On The Rocks. Ensuite, ce sera les bandes de Radio Arc-en-Ciel. Je vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, avec Mathieu Dufault qui viendra nous parler de la programmation de l'Astrolabe. Mais je ne vous quitte pas comme ça. Pour les 5-6 dernières minutes, voici deux morceaux de la même artiste. Le premier, c'est chanté par Patti Griffin, immense chanteuse américaine, peu connue sous nos latitudes, mais qui a sorti des albums magnifiques. Ça a été Madame Robert Plant également, et elle a fait quelques morceaux avec lui. On va se passer un morceau qui s'appelle Night, qui est tiré de petites chutes de studio, je crois, de Patti Griffin, avec toujours cette voix inégalable. Et puis, Patti Griffin, je l'avais découverte grâce à Tom McRae, et il y a une interview il y a bien des années, où il m'avait dit que l'artiste qui le comblait le plus à l'époque était Patti Griffin. Il m'avait fait découvrir cet album qui était évidemment absolument magnifique. Et bien Tom McRae m'a fait le plaisir l'année dernière pour les 30 ans de l'émission de m'enregistrer, rien que pour moi, rien que pour vous, une reprise de Patti Griffin tout seul au piano. Il l'a enregistré dans la nuit, il l'a mixé au matin et il me l'a envoyé dans la journée. Ça a été un très très beau cadeau d'anniversaire pour les 30 ans d'On The Rocks. Et bon, on va se terminer l'émission avec cette version de Kite Song de Patti Griffin enregistrée par Tom McRae juste pour l'émission On The Rocks. Je vous dis bye bye, je vous dis bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine avec Mathieu Dufault et l'Astrolabe et sa programmation alléchante. Bonne nuit à toutes les abeilles qui s'endorment paisiblement. Night, you come and cover me. Cold coffee spills all over me. It's only hours to the day. You make it look so far away. Night, you come and sing the song of birds that have no eyes, birds that never fly, of birds that tell me. Sunday after, there was laughter in the air. Everybody had a kite, they were flying everywhere. All the trouble went away, and it wasn't just a dream. All the trouble went away, and it wasn't just a dream. In the middle of the night, we try and try with all our might. Down here in the middle. sister, just remember, as you wander through the blue, the little kite that you sent flying on a sunny afternoon, made of something light as nothing, made of joy that matters too. How the little dreams we dream are all we can. In the middle of the night, the world turns with all its might, a little diamond-colored moon. In the middle of the night, we keep sending little kites until a little light gets through. Zona do IC19, com muitos adeptos em direção ao estádio de Alvalade e deixarem este final de tarde mais difícil na segunda circular. Nota-se que vem também preenchido para Acril.